Jean Lombard, L'agonie, livre 1er, chapitre 1. Le navigio m'égratigné, de ses rames cadencées, la mer saphirée, vaporante, et sa voile rouge à peine se gonflait sous l'ambiant calme qui planait sans qu'aucun bruit le troublât. Ni les appels de l'équipage, ni le kéléousma balancé des rameurs assis sur les transtraces au mouvement régulier du bâton du hortator, pendant que les passagers, accoudés sur les bords, rêvaient indiciblement. Cela était un Romain. Deux Grecs, un marchand cypriote, un Alexandrin, plusieurs Italiques revenant des ports orientaux. Quoique lassé d'un long voyage, des étapes de la côte, des nuits écoulées à se diriger sur les étoiles, ils avaient appris à aimer cette mer que maintenant ils quittaient à regret. Aussi leurs yeux visionnaient de villes apparues sur les falaises et les plages, de temples étalés sur les rivages, de marines coupées d'îles brûlées du soleil et déformées furieusement par des orages, et qui prenaient tous les tons, depuis le blanc d'argent jusqu'au rouge ardent, par les intermédiaires bleus et verts. Sous le regard du Proreta, qui, à l'avant, surveillait l'horizon circulaire, des matelots pesaient sur la vergue. D'autres, par les balancines, tiraient la voile et le navigium bondissait, le rostre droit à la côte invisible encore, sous l'attitude verticale des enseignes romaines que le capitaine, le magister, sur le pont, avait fait arborer. La mer intérieure, pâle, verte, bleu sombre, se mouchetait de vols d'oiseaux dont les ailes traînaient. Un ciel tout blanc à sa base, tout céruléen à son zénith, ci et là tigré de nues à marche lente, surplombait en un vide infini, et ainsi la marine avait une mélancolie, une douceur solennelle, une sorte d'amertume quiète qui presque ravissait. Heurté à un fond de sable, le navigium, la proue en l'air, s'était un instant arrêté. Alors le hortator leva son bâton, recommença le kéléousma, que, sur un rythme plus dur, un rythme saccadé, reprirent les rameurs secoués sur les transtraces. Et les rames régulièrement s'élevèrent, retombèrent, emportant le navigium comme en un soulèvement d'écume, d'une blancheur de craie, et sous un coup brusque de gouvernail, qu'empoignait un pilote, le gouvernator, coiffé d'un piléatus de feutre roux. Maintenant les passagers conversaient lentement sous le charme du trajet, et d'une divination de la côte halitueuse, annoncé par la seule douceur du roulis qui n'était plus celui de la haute mer. Le magister, assis dans son tronus, faisait des signes aux matelots, dont quelques-uns serraient la voile attachée à la vergue fixée, au milieu du mât, par l'anquina, collier de fer, et des esclaves, apparaissant par des ouvertures carrées, jetaient sur le pont des marchandises, des ballots d'étoffes et de peaux, des coffres de bois ornés de bronze ou d'ivoire, des capsas renfermant des volumens, livres en rouleaux, même des tecas de parfum, surtout de tus qui odoraient fort. Col et tête nues se dégageant d'une lacerna soyeuse qui recouvrait une tunique courte et une souboucoula collant à manches, Attilius, debout, regardait la terre approchante. Ses doigts portaient des bagues d'or, avec des certissures de rubis et de saphir. Ses sandales, qui était de cuir rouge, avait au cou de pied un soleil d'argent. Une barbe fine, d'un blond roux, lui toisonnait la face, qu'éclairait d'une lueur de vitrification deux yeux d'un noir violet, bien fendus, dont l'éclat contrastait avec la flaccidité de son maintien, ni voluptueux, ni viril, inerte plutôt. Madée se dirigea vers lui. Vêtue à l'asiatique d'une robe jaune traînante, aux manches amples striées de lignes noires, une mitra coiffait ses cheveux frisottés. Il avait des sandales brunes, attachées à la semelle par deux courroies passant à l'orteil et tournant la cheville, des anneaux d'or aux oreilles et, sur la poitrine cuirassée d'une batiste à raies rouges et vertes, une amulette, une pierre noire en forme de cône. La côte ombrée d'arbrisseaux se jeta dans une lumière qui rosoya, et une ville entière surgit d'un goulot de rochers, avec des temples, des arcs, des maisons jaunes, des massifs verts, des bois de pins s'échevelant en des éloignements, et, à son seuil, une rade emplie de barques dont les voiles de couleur reposaient leur ombre sur le rostre renflé. Quelques-unes couraient, cinglantes. Des citoyens en tunique et en blanche toge bouffante se précipitaient vers les quais. Des enfants se jetaient à l'eau par la facilité d'une grève qui découvrait des galets luisants sur un adoucissement de sable. Et, en une rumeur violente, en une vie de poussière qui les enveloppait, des soldats, un manipule, entrechoquant un glaive et un bouclier rectangulaire à leur pectoral et à leur jambière de fer, débusquaient d'un forum. Le hortator accompagnait dans l'entrepont, d'une voix qui devenait allègre, le kéléousma des rameurs. Sur le pont, qui s'animait tout à fait, le magister commandait. Le gouvernateur répondait de sa poupe au proreta, assise à la proue, et les passagers se disposaient au débarquement. Les deux Grecs, qui étaient riches d'une opulente barbe noire, écoutaient le marchand cypriote gesticulant, comme un mime, une altercation qu'il avait eue avec un esclave. Et l'Alexandrin, homme court, gros, à face ronde de pleine lune, qui portait sur son kyridota un diploïs rayé de brun et était coiffé d'une kalantika aux ailes retombantes, prenait à part Madée, respectueusement, doucement, devinant en lui un prêtre du soleil. « Toi aussi tu vas à Rome, comme moi, comme Aristès et Nicodémès, ces Grecs. Et cependant, ton maître paraît triste. » Alors que nous tous sommes joyeux de visiter la ville que le Tibre arrose, mais qui n'a pas le charme d'Alexandrie. Connais-tu Alexandrie? Moi, si je me rends à Rome, c'est pour la comparer à ma ville, où je retournerai bien vite. Car Rome, n'est-ce pas le lieu de perdition des hommes qui doivent rester prudents, ainsi que je dois l'être, moi, à mon? Et comme il continuait, verbeux, jusqu'à le tirer par une manche ample pour mieux solliciter son attention, Madée secoua la tête et le quitta pour rejoindre Attilius, toujours immobile, toujours regardant devant lui, emporté par le navigium qu'à présent remorquait deux embarcations engagées dans la corne de Brundusium, au port encore obstrué de pierres et de navires pourris qui avaient jadis coulait César. Les avoisinements de la ville se détachaient. Des pêcheurs emmaillaient leurs filets sur le rivage semé de débris de planches. Au fond d'une crique en hiatus, des charpentiers taillaient des mâts et des ais. Sur de hautes poupes de navires, à côté au quai, des vêtements séchés et des esclaves, aux torses luisants, aux biceps gonflés, comblaient les interstices des blocs d'un môle rongé par les flots, par des couffins de pierrailles qui sonnaient en tombant. Attilius et Madée prirent place dans une barque à la plustre semblable à l'évasement d'une lyre géante, qui les emporta rapidement à travers un monde de vaisseaux. C'étaient des trirèmes au mât court, bonnes pour la guerre, dont les rangées de rames se profilaient rythmiquement. Des cataphractes pontés et des aphractes sans pont, puis des navires marchands, arrivés à peine ou se disposant à partir, des actuarières, dont on se servait pour la course ou les découvertes, des phasellus, qui venaient de la Campanie et avaient une forme en fuseau, des camérès et des kélox, des gaulus tourons, des curbites en forme de corbeille, des hippagogues qui servaient au transport des chevaux. Enfin, des infatigables liburnes qui se voyaient partout et, victorieusement, hissaient leurs voiles dans toutes les rades de l'Empire romain. Avec eux, les voyageurs avaient pris des barques que, sur leur passage, accostaient d'autres barques montées par des marchands d'étoffes et de fruits criant leurs marchandises, des courriers d'hôtellerie, presque tous grecs, et des maîtresses de prostituées, horriblement fardant une vieillesse de peau couturée, qui les invitait à s'arrêter dans les lupanars de Brundusium. Et Attilius demeurait silencieux. En une fugace revivance, cependant, lui, Madée, songeait sa petite ville syrienne, d'où l'arracha une légion qui, après avoir châtié une révolte d'Asiatiques, l'avait séparée d'un ami à la face et au nom inoubliable, peut-être à jamais disparu. Puis la légion l'avait rendue à l'opulente famille d'Attilius, dont un ancêtre fut préfet de Rome, et qui, ayant suivi la fortune de Moesa, aïeul des Lagabalus, était tout à fait devenu asiatique. La sœur d'Attilius, au jeu de laquelle il servit, cette sœur dont les petites mains cruelles souvent le blessèrent, restait maintenant auprès de Sémias, la mère du jeune, du prestigieux empereur déjà au soleil voué, que toute Hémès vit en robe traînante et constellante de sacrificateur, de pourpre brochet d'or, et tiarée et gemmée. Il l'avait adorée, et Lagabalus, fils de Sémias, comme le symbole de la vie, emplissant tout, animant tout, résolvant toutes les forces naturelles en une pierre noire en forme de cône, qui était la virilité même. Et Madée aussi avait sacrifié, avec bien d'autres, aux dieux, par le don de sa personne à Attilius, comme si l'amour mâle, à signification religieuse, eût été sa consécration tangible au culte syrien. Tendrement Madée regardait Attilius qui l'avait affranchi, sans que ses souvenirs circulants, fluides en lui, lui amenasse l'ombre d'une volupté. Il se disait que le jeune Elagabalus, s'avançant vers Rome, depuis sa victoire d'Hémès, avec Sémias, Mesa, son cortège de prêtres du soleil, ses mages énigmatiques, son armée d'orientaux et les familles romaines ayant épousé sa cause, il allait vivre d'une excessive vie avec Attilius, que le nouvel empereur envoyait auprès du Sénat pour le préparer à son avènement. Combien il eût préféré que le ciel d'Hémès, le palais de son maître, qui s'ouvrait sur une allée de salsolas et de cactus, en des jardins étagés de terre rouge, qu'une colossale création, emplissée de fleurs larges comme des lunes, de lotus, de roses, de lys et d'ilex. Passif de corps, mais ductile de cerveau, il avait des penchants aux rêves, comme les orientaux. Aussi l'activité de Rome l'effrayait, et lui préférait-il instinctivement la vie de là-bas, doucement semée de voluptés et de calmes, et coupée de sacrifices au soleil, le dieu syriaque sous figure de pierre noire. Le dieu phénicien El, le dieu crétois Alélios, le dieu gaulois Bélène, le dieu assyrien Bel, le dieu grec Hélios et le dieu romain Sol, que l'Empire allait désormais adorer dans Elagabalus. La ville, qu'ils abordèrent par un pont de barque sans parapet, avec ses voies étroites de maisons de briques rouges et jaunes, ressemblait à un filet percé par des carrés de forums et de jardins, de palais à colonnades, d'arcs dont les bas-reliefs de bronze luisaient au soleil blanc, de thermes à portiques, de temples, de deux casernes sous des pilastres de stuc rouge et jaune portaient des trophées, d'hôtelleries et de boutiques de meubles, d'étoffes et de denrées que de loin on voyait extraordinairement animées. Elle fourmillait d'italiques affairés, quelques-uns soupesant des échantillons de blé dans le creux de leurs mains, de marins qui s'échappaient en chantant des thermopoles, auberges où ils avaient bu des boissons chaudes fermentées, de patriciens qui se rendaient au bain dans un cortège tumultueux de parasites disputeurs. De riches matrones filaient en des litières dont les carreaux de talc faisaient des resplendissements clairs. Des affranchis se poussaient entre des flots d'esclaves pour qui ils étaient fiers, et de citoyens lentement circulant pour qui ils restaient humbles. Des marchands causaient haut, et, parmi les toges blanches, les tuniques rayées, les vêtements flottants qui avaient des franges ou étaient bandés de pourpre, de tous, des prêtres balayaient de leurs robes très longues, ou violettes, ou jaunes, ou rouges, les trottoirs élevés d'un pied. Des soldats plaçaient la note graisseuse de leurs casaques de cuir serrés par le cingulum. Des prostituées frétillaient rythmiquement de leurs tétons qui bondissaient par-dessus une gorge plâtrée, par-dessous une face aux lèvres vermillonnées et aux sourcils rejoints par de l'antimoine. Et des enfants, nus des reins aux pieds, avec seulement une soubukoula déchirée sur les épaules, la poitrine et le ventre, couraient et donnaient des crocs en jambes à des étrangers chaussés de socs de bois très hauts, qui paraissaient s'intéresser au mouvement de leurs fesses à l'air. Attilius et Madé traversèrent un carrefour, pavé de pierres pointues et obstrué d'écorces de citron et de pastèques, de tranches charnues de courge qu'enrubéfiaient des avoisinements de poivrons jetés là. Des magasins s'ouvraient autour, des boutiques décorées de mosaïques et de fresques, avec, au-dessus de l'imposte, en grandes lettres rouges, les noms de leurs propriétaires. Une boulangerie fumait de son four qui encore brûlait. Deux ânes y tournaient deux meules, qu'on voyait passer circulairement, alternativement, leur obésité coupée par des formes mélancoliques des animaux, aux oreilles droites, sur une tête stupide. Une teinturerie montrait des ouvriers piétinant des étoffes au fond d'une cuve ou gardant des manteaux, pendant qu'un chef de cet atelier chargeait un homme qui suait et brouait d'un mannequin d'osier dégoûtant de teinture. À côté, dans un demi-jour où saillaient des nudités immobilisées sur des étagères retenues à la muraille par des cordes, un statuaire disposait des idoles, des masques de terre cuite et des bustes qui avaient des rictus figés. Au coin même du carrefour, un maître d'école, méchamment couvert d'une tunique de laine rapiécée, écrivait avec une craie sur une courte ardoise, au milieu d'une bande d'élèves, annonçant une leçon de latin barbare. À ce moment, survenait une femme, poussant un enfant qui pleurnichait. Elle le confiait au pédagogue, dont les yeux dignes s'arrêtaient un instant sur l'élève, Ils lui jetaient quelques quinconques qu'ils glissaient rapidement dans la ceinture de sa tunique, qui faisait à cet endroit un boursouflement par-dessus la maigreur de son ventre, qu'on sentait devoir être sec.